plus bonheur. Toute ma vie, je t'aime. Nous ne grand plus bonheur. Viens d'être aussi gai. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres damnés. Je ne crois pas que tu retournes un jour.